L'île blanche par Bénédicte Henri Revoil. Je bois votre santé, capitaine, à la vôtre, monsieur. Le brave capitaine Storm, du trois-mâts barque américain The Wanderer, leva son verre, tandis que je faisais autant de mon côté. Cette cérémonie se répétait du reste chaque matin dans l'étroite mais confortable cabine, blanc et or, où le digne marin venait me réveiller au point du jour un verre de grog à la main. Je dirai deux mots au sujet du Wanderer. Ce petit navire appartenant à la maison Pitt & Johnson de New York faisait le commerce entre cette ville et les ports de l'Amérique du Sud. Sept hommes d'équipage, un cuisinier noir comme l'ébène répondant au nom de Mosé, le second, autrement dit le Maté, et enfin le capitaine Storm, tel était le personnel. Quant aux trois mâts, jamais on n'avait vu son pareil. Peint et repeint sans cesse, des rideaux blancs attachés avec des rubans roses aux colonnettes des hamacs, un cabinet de lecture bondé de journaux de tous les pays, quatre repas plantureux par jour dans une salle à manger grande à peine comme un cabinet de toilette, que sais-je, c'était à y passer sa vie. Nous étions parvenus au 21e degré de latitude entre Pernambouc et Rio de Janeiro, à 30 lieues marines des côtes, au sud de Bahia, par le travers des îles Albroyas. Il ventait bon frais et le temps était magnifique. Storm posa son verre et d'un air assez embarrassé me dit en anglais « Ne m'en veuillez pas, cher monsieur, si je vous consigne, dans votre cabine, mais vous devez rester ici jusqu'à nouvel ordre. » « Vous me mettez aux arrêts forcés, répondis-je. « Pour quelle raison ?»« Je vous l'expliquerai plus tard. Mais en attendant, veuillez m'obéir. » Et sans ajouter un mot de plus, le capitaine consulta sa carte et monta sur le pont. Je me mis alors à faire un sérieux examen de conscience. Quelle infraction aux règles du bord avais-je pu commettre ? Aucune. Je ne trouvais rien à me reprocher. Toutefois, comme je savais que le capitaine Storm était maître, après Dieu, sur son navire, je me résignais passivement et je me plongeais dans la lecture des journaux américains qui avaient près d'un mois de date, soit dit en passant. La cloche piqua 7 heures. Storm descendit avec le lieutenant et nous nous attablâmes devant un plat de conserve de lièvre, un autre de foie gras et un troisième de cornet de bœuf, le tout arrosé de thé. Storm ne me dit pas un mot et remonta rapidement sur le pont, après avoir, plus rapidement encore, absorbé un repas capable de sustenter 10 passagers comme moi. Du reste, le capitaine Storm était rond et court comme un tonneau et fort comme un cabestan. Demeuré en tête à tête avec le second, je me permis de lui demander s'il savait quelle était la raison. Je n'eus pas achevé ma question qu'il haussa les épaules en me disant « Bon, une lubie du vieux capitaine. » Storm, à dire vrai, ne paraissait pas homme à avoir des lubies. Nul ne s'entendait mieux que lui au commandement, et de New York à La Plata, route qu'il avait faite 100 fois, il conduisait sa barque avec plus d'assurance et de rapidité qu'un cocher d'omnibus son véhicule de la Bastille à la Madeleine. Dès que le second fut parti, j'eus la curiosité de jeter les yeux sur l'excellente carte marine qui s'étalait tout en large sur la table du Wanderer. Je fis le point. Cela ne m'apprit pas grand-chose. Tout ce que je pus constater, ce fut une sorte de croix imperceptible en pleine mer. De guerre lasse, je repris la lecture de mes journaux et je finis bientôt par m'endormir. Il était midi lorsque je me réveillai sous l'étreinte de la large main du capitaine qui venait de s'abattre sur mon épaule. « Enfoncez. Elle vient de s'enfoncer. Vous êtes libre maintenant d'aller où bon vous semblera sur toute l'étendue de mon navire. » « Qu'entendez-vous par ces mots, elle est enfoncée ? Qui ? Quoi ? Qu'est-ce ? Sans doute une charade ? Et vous voudrez bien m'expliquer la devinette, car véritablement... »« Dis non, d'abord, » répondit Storm. « Vous saurez tout au dessert, entre 2 verres de champagne. » Je fais grâce à mes lecteurs de ce second repas. Lorsque nous fûmes seuls, Storm alluma un cigare, pur Havane, fit sauter le bouchon d'une fiole signée Veuve Cliquot, remplit les verres, et après avoir aspiré quelques bouffées de son pureau, commença en ces termes. Il y a 3 ans, jour pour jour, je n'avais à mon bord qu'un seul passager, un jeune homme comme vous, un Français. Nous étions dans ces parages, et nous fûmes pris par un calme absolu, une mer d'huile, Oil Sea. Tout à coup, pour la première fois, j'aperçus à bâbord une grande île, une île blanche. Je consultai ma carte. Là, vous voyez où cette croix, qui est un point d'interrogation pour un marin. Je me dis que c'était un récif sans doute, vu par les uns, ignoré de la plupart, douteux pour presque tous, nous n'en étions pas à un demi-mille. Un grand nombre de goélands et de mouettes s'abattaient dessus. Mon passager me demanda une embarcation pour aller tuer ces oiseaux. J'eus la sottise de la lui accorder et il partit avec le maté. La dérive nous emmena un peu au large. La nuit vint, comme elle vient ici, tout d'un coup, et subitement aussi, la mer devint phosphorescente, mais d'une telle phosphorescence que vous eussiez dit que l'océan était en feu. Le navire, du sommet du grand mât aux écoutes, de l'avant à l'arrière, était semblable à du vif argent. Nous-mêmes, nous étions blancs comme des fantômes. Chacun de nos pas faisait jaillir des étincelles et, en jetant les restes du dîner à la mer, Mosé souleva une gerbe de flammes qui ressemblait à celle que produit de l'huile sur un brasier. Je n'avais jamais observé un phénomène semblable, mais il me préoccupait bien moins que le sort de mes deux hommes, perdus sans doute dans toute cette lumière qui soulevait sur la mer comme des huées d'étincelles. « Une barque à tribord !» s'écria tout à coup un matelot. C'était la leur, la mienne. On lança un bout de filin, mais vous me croirez, si vous voulez, la bouline passa au travers de la barque, la coupa, puis subitement, la nuit noire, obscure, un vrai fond de cave à goudron fit place à toute cette clarté. Aucun cri ne répondit à nos cris. Nous louvoyâmes 2 heures durant. Le vent était favorable, j'hésitais cependant à partir, mais je dus me mettre en route. Et l'embarcation, et vos hommes? Ils étaient et furent perdus. C'était une mauvaise affaire pour moi, car je redoutais le moment où il me faudrait présenter mon rapport à mes commettants de Rio, les représentants de la maison Pitt & Johnson. Lorsque je le fis, cependant, ils se regardèrent en disant « L'île Blanche, hein ?» Et ils ne firent aucun reproche. Ils en avaient entendu parler. Un an après, à Philadelphie, je visitais par hasard le Lunatic Asylum, l'hospice des fous, quand un des malheureux qui s'y trouvait enfermé m'appela par mon nom. Lorsque je m'avançai vers lui, il s'écria « L'île Blanche !» C'était mon passager. Je fis tout mon possible pour retrouver sa famille et j'y parvins. On me raconta que cet infortuné avait été recueilli à la mer, à bord d'un canot, à côté d'un marin mort de faim. Leurs parents étaient alors complètement aliénés et ne cessaient de répéter « L'île Blanche, l'île Blanche !» Dans un de ces rares instants lucides, il racontait cependant avoir abordé sur une île où il avait chassé toute la journée. Au moment de partir, pendant qu'il était dans la baleinière, son compagnon qui levait l'ancre lui cria « Nagez ferme et surtout ne vous retournez pas !» Il s'était pourtant retourné au moment où ce dernier sautait dans la barque. L'île s'engloutit au même instant et l'embarcation fut entourée de flammes. Quelques instants après, les deux hommes avaient vu passer le spectre de leur navire, sur lequel plusieurs matelots semblaient s'agiter, puis plus rien. « Maintenant, » ajouta en terminant le capitaine Storm, « dites ce que vous voudrez, mais je suis convaincu que cette île est comme l'aimant, qu'elle attire. Vous m'eussiez demandé l'autorisation d'y descendre, que je n'aurais pas pu vous la refuser, et le même sort vous eût été réservé. Pardonnez-moi d'avoir usé de mon autorité pour vous consigner dans votre cabine. » « Baste, capitaine, votre île blanche n'est pas autre chose qu'un banc de calcaire, tantôt couvert, tantôt découvert par les marées, voilà tout. Quant à la phosphorescence, c'est un phénomène bien connu, dont les savants ont étudié les causes. Il est bien rare, cependant, de l'observer aussi complet, aussi intense que vous l'avez fait. Et à propos, votre fou, qu'est-il devenu ? Il est mort, la veille de ma seconde visite au Lunatic Asylum, et en mourant, il s'écriait encore « L'île blanche !» L'île Blanche. Ainsi s'achève L'île Blanche par Bénédicte Henri Revoil.